Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Luc Desormeaux au micro et c'est l'émission du 31 mars 2015. On est le printemps. Oui, finalement, on va s'en sortir, même si hier on a encore eu une bord de neige chez Montréal et j'étais vraiment sur le bord de faire une dépression. Mais non, dans l'après-midi ça s'est amélioré et mon moral aussi. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui, il fait beau et j'espère qu'il fera beau demain aussi pour le poisson d'avril. Ceux qui suivent un peu les médias sociaux et tout ça, attachez vos trucs avec de la broche, car demain, vous allez voir des choses assez abominables sur Internet concernant les voitures. Normalement, il y a des belles petites rumeurs fausses qui sortent, donc restez à l'affût. Parfois, c'est vraiment drôle dans tous les domaines. Mais ce soir, parlons de notre émission qui va être sérieuse. On n'ira pas vous parler de toutes sortes de poissons d'avril, des choses comme ça. On va faire une émission comme on sait la faire, donc sérieuse, mais quand même humoristique. Avec moi ce soir, trois de mes comparses, oui, notre monsieur expert voiture électrique est de retour, Simon-Pierre Rioux. Salut Simon-Pierre. Salut, c'est un poisson d'avril que tu me fais là? Non, je suis juste en train de m'enfarger. T'es juste très heureux de m'introduire. Ben oui, c'est ça, puis je me suis enfargé dans mes mots, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, quand t'es... Eh bien, bonjour tout le monde, très heureux d'être ici ce soir. Bonjour. Ben oui, ça fait un petit bout de temps que tu n'étais pas venu faire un tour, mais bon, c'était occupé, le temps des fêtes et tout ça. Donc, on te retrouve, tu as une belle annonce pour nous ce soir. Donc, on va commencer tout de suite avec ça quand je vais avoir, comme introduit les deux autres. Là. Et les deux autres, je parle de Martin Sagala, mes deux habitués. Le premier, Martin Sagala. Salut, Martin. Eh bien, bonjour, les deux autres autres. Les deux autres autres. Et aussi, Jean-François Beaulieu. Oui. Salut, Jean-François. Salut, comment allez-vous? Ça va très bien. T'as vu, j'ai eu un délai anti-site, puis peu importe où vous êtes. Mais bon. On dirait. On dirait qu'il y a un petit délai ce soir. C'est probablement la faute de Skype ou juste moi. Mais bon. Bienvenue, messieurs. Merci encore d'être là ce soir. On va commencer avec Simon-Pierre qui vient faire un tour pour nous parler de nouvelles dans le domaine de la voiture électrique. Une nouvelle coalition qui a été créée au Québec. Ça a été lancé aujourd'hui, 31 mars. Parle-nous un peu de ça. Dis-nous c'est quoi et en quoi ça va nous aider, nous, petits Québécois, dans notre petit racoin. Ben, on parle d'ici de la loi zéro émission et d'une coalition qui s'appelle la Coalition Zéro Émission Québec, qui regroupe l'Association des véhicules électriques, le Club Tesla Québec, la Fondation David Suzuki, Rouler électrique, le RAVE, la QLPA, le Centre québécois du droit de l'environnement, Nature Québec, et Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. En plus de ça, ben, il y a des propriétaires, des professionnels, des scientifiques, des groupes écologistes, une belle grosse gang. Puis qu'est-ce qu'ils réclament, ces gens-là? Ben, ils réclament qu'on devrait, au Québec, avoir une loi zéro émission. Qu'est-ce que ça mange en hiver ou au printemps, cette loi-là? Ouais, ben, c'est une loi plus au printemps, permet, parce que l'hiver, on est... Tu pourrais être surpris. En avril, ne te découvrais pas d'un fil. Ouais, je sais. Donc, c'est une loi qui oblige les constructeurs à mettre à la disposition des consommateurs de plus en plus de véhicules qui n'ont pas d'effet polluant, donc pas de gaz à effet de serre. Donc, si on veut un genre de véhicule comme ça, ben, il faut que ça soit style hybride rechargeable comme une Chevrolet Volt ou une entièrement électrique comme une Nissan Leaf ou une Tesla. Autre chose aussi, c'est que ce type de loi-là permet non seulement d'avoir une plus grande inventaire chez les concessionnaires, ça permet aussi d'avoir plus de variété. Donc, des manufacturiers automobiles qui fabriquent des voitures électriques et qui les vendent dans d'autres pays, mais qui ne les vendent pas au Canada. On va parler de Volkswagen. On est toujours à parler de Volkswagen. On parle de Toyota, on parle de Honda. On parle de certains véhicules de Mitsubishi, on va parler d'autres véhicules comme ça. Puis c'est important, il y a même Fiat aussi qui ont la petite 500 électrique, la Fiat 500 électrique, qui avait gagné des prix de Consumer Reports comme étant une des meilleures voitures électriques et toujours pas disponible ici au Canada. Fait que c'est pour vraiment forcer les manufacturiers, ça n'a aucun impact sur le concessionnaire. Le concessionnaire n'est pas affecté par ça. Il va avoir plus de voitures à vendre. Mais c'est les manufacturiers qui sont affectés. On les tord un petit peu à ce niveau-là pour essayer d'obtenir ces véhicules-là au Québec. Sinon, ils peuvent avoir certains malus ou certains effets négatifs. Donc, ils vont avoir à payer, disons, plus de crédit de carbone parce qu'il y a une bourse de carbone qui est là en ce moment au Québec, mm-hmm. puis dans d'autres provinces. Okay. Fait qu'ils sont obligés d'offrir un meilleur choix. Question juste comme ça, on a-tu une influence assez forte pour être capable de pousser les constructeurs à faire ça? Parce que on parle de la Californie, c'est un marché beaucoup plus grand que le nôtre, là. Mais je me demandais... Oui, tu regardes un endroit parce qu'il y a comme 11 États aux États-Unis qui offrent ce véhicule-là, et cette loi-là plutôt. Puis un de ces États-là, ben, c'est le Vermont, qui est minuscule. OK. OK, je pense qu'il y a 2 ou 3 millions de personnes là-bas. Et ils ont, à cause de cette loi-là, ben, ils ont un ratio... plus élevé de véhicules électriques qu'au Québec. Ouais, le Québec, ça. C'est quand même le leader au Canada, là, comme province. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin que les autres provinces embarquent pour nous aider, ou si tu penses qu'on est capable de faire ça tout seul comme des grands? Ben, justement, ça serait peut-être une bonne chose qu'il y ait d'autres provinces canadiennes qui s'embarquent là-dedans. Il y a justement l'Ontario qui ont trouvé que l'idée était bonne. Puis il y a certaines provinces des maritimes qui n'ont toujours pas d'incitatif financier pour l'achat d'un véhicule électrique parce que le véhicule coûte à l'achat toujours un petit peu plus cher. Fait que les incitatifs, c'est toujours bienvenu pour le consommateur. Eux, ils n'ont pas ça du tout. Ils n'ont pas d'incitatif, mais ils pensent que la loi zéro émission, ça serait une bonne chose pour eux aussi. Donc, un regroupement de certaines provinces au Canada, ça pourrait aider énormément les choses. OK. Je me demandais, tu sais, je veux dire, on est oui la province qui produit beaucoup d'électricité, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que ça peut aider dans un marché comme ici. Mais tu sais, si je regarde des manufacturiers comme Toyota qui a décidé d'arrêter de produire le RAV4 électrique, qui était ironiquement construit au Canada et exporté l'autre bord de la frontière. Il y a récemment Carlos Ghosn qui avait dit qu'il perdait de l'argent avec la vente de la Fiat 500e. Carlos Ghosn, c'est Nissan, donc c'est Marchione. Marchione, ouais, je me suis trompé de gars. Ouais, c'est ça. Marchione qui disait que ça, il perdait de l'argent en faisant la 500e, puis qu'il disait quasiment au monde d'acheter-en pas. C'est-tu payant pour les constructeurs? Ou, tu sais, je me suis toujours posé une question, puis c'est pas de mauvaise foi. Je me dis, la journée que les incitatifs vont disparaître, si un jour ça va arriver, là, quand la voiture électrique va devenir plus commune, les incitatifs vont disparaître. Est-ce que présentement, il n'y a pas certains constructeurs qui demandent plus cher pour une voiture électrique parce qu'il y a des incitatifs, puis que la journée que ces incitatifs-là vont disparaître, les prix des voitures vont descendre pour que les gens puissent en acheter, ou c'est vraiment juste pas quelque chose qui se passe présentement? Fait que ta question, finalement, c'est 10 questions. Ouais, c'est ça. Je vais essayer d'y répondre. Je vais commencer par la plus récente, que je me souviens même plus de toute façon. Non, mais l'idée est quand même bonne, c'est savoir si les prix sont gonflés pour backer les incitatifs. Ouais, les incitatifs sont très importants. Il y a eu une des provinces au Canada, la Colombie-Britannique, qui avait des incitatifs de 5 000 $ et qui les ont arrêtés parce qu'il y a beaucoup de pression de l'industrie de l'hydrogène, parce que là-bas, il y a beaucoup de compagnies qui poussent ça. Donc, ils ont fait disparaître, et pendant les mois où ça a disparu, les ventes ont chuté de façon impressionnante. Donc, l'incitatif est extrêmement important. Si tu n'as pas d'incitatif, tu n'as pratiquement pas de vente. Il y a quelques personnes qui vont quand même être intéressées, mais c'est un petit peu plus difficile à rendre le véhicule intéressant au niveau financier. Donc, c'est des gens qui sont plus motivés par le côté environnemental. Mais le véhicule lui-même coûte cher. C'est ça la question à Luc. C'est que fait que, est-ce que les prix sont gonflés artificiellement à cause qu'il y a des incitatifs? Non. Ils ne sont pas gonflés parce que sinon, ils les auraient juste baissés. Ou ils les vendraient moins cher ailleurs. Puis ils pourraient faire ça dans différents marchés où il n'y en a pas d'incitatif. Le véhicule comme la Fiat 500, oui, c'est vrai, ça leur coûte extrêmement cher. La raison, c'est qu'ils les assemblent à la main. OK. Ouais. C'est ridicule. Si vous voulez vraiment faire un peu d'argent là-dessus, mettrez ça sur une chaîne de montage, puis ça serait pas plus difficile que ça. Toyota ont fait environ la même chose. Puis le problème avec ça, c'est que là, comme ils ont vendu le RAV4 électrique, puis il le vendait à un prix horrible. C'était style 75% plus cher que le véhicule de comparable. OK. Véhicule électrique comparable. Donc, tu sais, quand tu es un consommateur puis tu regardes ça, tu te dis, bon, mais est-ce que je veux vraiment m'acheter un RAV4 à 50 000 US alors que je pourrais avoir style une Nissan Leaf à 199 par mois? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'ils n'en ont pas vendu vraiment. Puis ça, c'est... Il y a beaucoup de gens qui se sont dit que c'était une voulu. Tactique... ouais, c'était voulu. C'était une tactique vraiment horrible pour dire, bon, mais écoutez, on a essayé, on a fait du mieux qu'on pouvait, puis ça s'est pas vendu. Donc, on abandonne parce que ça marche pas les véhicules électriques. Puis c'est pas ça la raison du tout. C'est que leur prix... Leur... Pardon? J'ai dit, c'est sûr qu'on a toute une poignée dans le dos. Mais tu sais, si tu regardes un petit peu les détails de tout ça, puis en plus, ils ont Lexus qui ont fait des annonces anti-véhicules électriques, Lexus étant la filiale de Toyota pour les véhicules de luxe. Carrément l'hydrogène, c'est beaucoup plus que de viser dans l'électrique. Absolument. En ce moment, Toyota vise l'hydrogène depuis les années 80. Donc, ça fait 30 ans qu'ils travaillent là-dessus. Puis ça s'en vient, là, ça s'en vient. Mais là, finalement, il y a un produit qui est disponible en quantité très limitée parce que ils ne peuvent pas réussir les crash tests pour un véhicule comme ça. Ça va exploser. Ils n'ont pas encore un produit qui est assez sécuritaire. Donc, ils sont obligés de l'importer de façon limitée pour dire que c'est un essai, c'est un projet pilote. Puis, il y a des gens qui travaillent justement dans l'industrie de l'hydrogène puis qui ont mentionné que c'était vraiment un problème, ça. Tu as 5% d'hydrogène qui, peu importe à quel point tu tentes de restreindre le gaz à l'intérieur ou même le liquide, t'en as un 5% qui va s'évaporer quand même. C'est dangereux si tu as ça dans un garage. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, côté intéressant, moi, ce que j'aime de la voiture électrique, c'est pas juste le fait que j'ai pas à les dépenser pour mettre de l'essence, c'est le fait que j'ai pas à arrêter à une station d'essence pour gazer. OK, si je veux essayer d'aller loin, si je veux aller à Québec, faut que j'arrête chargé en montant, mais tu sais, quand je fais mon petit promenage de tous les jours pour aller travailler puis revenir, je branche l'auto le soir, le matin je me lève, je m'en vais travailler, je reviens, je la rebranche, j'ai pas besoin d'arrêter à station essence. Disponibilité est dure à battre, tout le monde a ça, une prise électrique. C'est ça, c'est sûr qu'il faut que tu te fasses installer une prise 240 si tu veux rouler comme faux, mais tu sais, je veux dire, c'est disponible chez vous. Aucune infrastructure d'hydrogène, tandis que l'électricité est bien beau qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructure pour le moment, mais tout le monde a une prise électrique chez eux. Ouais. C'est ça. Une des choses que j'aime dire aussi, c'est que si tu regardes au niveau des prix pour les infrastructures, tu regardes une pompe à essence. Une pompe à essence, ça coûte 13 000 à mettre dans une station d'essence. En plus de le côté environnemental, il faut que tu creuses, il faut que tu t'organises toutes les affaires pour que ça soit protégé, pour pas qu'il y ait de l'essence qui s'échappe, etc., dans les gros containers sous la terre. Une borne de recharge à 240 volts public, c'est 5 000. Une borne de recharge haute vitesse, c'est 35 000. Puis une pompe à hydrogène, juste la pompe, c'est 1 000 000. Ouais. Oh, okay. Pas évident, vraiment pas évident. Ça veut dire que le gouvernement est obligé de s'impliquer dans ce temps-là pour essayer de faire des projets ou de placer les bornes parce qu'il n'y a pas une station d'essence qui va être capable de se le permettre. C'est pour ça qu'il y en a très peu de ce genre de trucs-là. En plus, il y en a eu pendant un bout de temps là, des autobus à hydrogène à Vancouver pour les Olympiques. C'est ce qu'ils faisaient pour l'hydrogène, parce qu'ils n'en produisent pas là-bas, puis ils n'en produisent pas sur la côte ouest américaine. Ben, ils l'importaient du Québec. Ils mettaient l'hydrogène dans des camions qui se rendaient jusque en Colombie-Britannique. Peux-tu t'imaginer le coût que ça de l'hydrogène, la pollution que ça causait? Ils ont brûlé plus de diesel qu'ils en auraient roulé en roulant les autobus au diesel normalement. Oh oui, oh oui, absolument, c'était ridicule. C'est absurde. Ouais, mais c'était un statement, là. C'était juste pour faire un show. Là. C'était pour montrer que nous autres, on peut être verts, mais c'est les dessous de ça qui sont quand même, c'est pas mieux. Là. Mais non, mais c'est le point où je voulais en venir, c'est juste, tu mets une pompe à hydrogène à côté de chez nous, il faut quand même j'arrête de mettre de l'hydrogène dans mon auto à la place de l'essence. Fait que ça revient au même. Là. Mm-hmm. T'sais, fait qu'il n'y a rien qui peut battre pour moi le côté pratique de pouvoir charger mon auto à maison. Fait qu'à moi qui vienne m'installer une borne de recharge, une borne à hydrogène, une pompe à hydrogène dans ma cour, ce que je Est-ce voudrais que t'en pas avoir. as vraiment envie? Non, pas vraiment. Mais tu sais, c'est pas un avantage pour moi. Tandis qu'une voiture électrique, regarde, donne-moi juste une voiture qui va faire 250-300 km sur une charge, puis j'en ai plus de problème. T'sais. Puis même là, avec 160 km, pour la vie de tous les jours, pour moi, c'est assez. C'est juste les fins de semaine quand tu vas aller un peu plus loin. Mais pour le reste, il n'y a aucun problème. Fait que c'était ça l'idée de la Coalition Zéro Émission Québec, c'était pour dire oui, on aimerait avoir une loi zéro émission parce que au niveau du ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, ils ont bien mentionné qu'ils aimaient l'idée, puis ils appuyaient l'idée d'avoir une loi zéro émission. Maintenant, aimer une idée puis l'appliquer par la suite, c'est deux choses. Fait qu'ils sondaient un petit peu le terrain, mais on est là pour dire oui, une loi zéro émission, ça serait positif, ça serait intéressant, on aimerait que ça aille de l'avant. Après ça, c'est le gouvernement qui va appliquer ce genre de loi-là, qui, ça leur coûtera absolument rien. Ça va seulement permettre à de plus en plus de monde d'acquérir des véhicules électriques, pas avoir à attendre 3 mois, 6 mois. Il y avait justement une personne qui était là, ça faisait depuis septembre, qui attendait, qui avait acheté un Kia Soul électrique, puis il l'attendait depuis le mois d'octobre. Ouais. Il l'a toujours pas, puis on était à la fin du mois de mars. Donc, à un moment donné, on veut avoir une disponibilité des véhicules, on veut que ce soit plus simple pour que les gens puissent en obtenir, puis une variété, peut-être des véhicules qui vont être un peu plus intéressants, plus beaux, la marque que les gens apprécient, ils ont toujours acheté une Volkswagen, puis il faut toujours avoir ça, ben il y a des véhicules qui sont disponibles à ce niveau-là, mais pas au Canada. C'est pas pour restreindre le choix des gens, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, mais là, ça, tu disais qu'il faut tout qu'on ait des autos électriques. Moi, ça ne me tente pas. » OK, c'est correct. Ça vous ne tente pas. Peut-être que ça ne répond pas à vos besoins. Parfait. Mais ceux pour qui ça pourrait les intéresser, ben, au moins, ça veut dire qu'on va leur permettre de faire ça. Et les 18 milliards de dollars par année qu'on exporte du pays, ben, on va pouvoir en garder une partie. Parce que c'est ça qui arrive. Là, on prend de l'argent du Québec puis on l'envoie pour payer de l'essence. Fait qu'on paye. Il y a des gens aussi qui se disaient, bon, mais là, des incitatifs financiers, on donne de l'argent pour subventionner l'industrie manufacturière automobile qui est à l'extérieur du Québec, donc c'est pas mieux. Mais tout ce que tu vas faire, tu donnes, disons, 8 000 $, c'est ça l'incitatif au Québec, mais en échange, tu gardes tout l'argent de l'essence qui aurait été dépensée et qui serait sortie du pays. Ça, c'est des milliards. C'est beaucoup plus que l'argent qui pourrait être mis dans un petit programme pour des incitatifs financiers. Oui, parce que le gouvernement du Québec va pouvoir vendre l'électricité à juste prix au lieu des fois de le vendre à perte aux Américains. L'électricité qu'on exporte, on ne fait pas nécessairement d'argent dessus, même qu'on le vend à perte souvent. Là, notre pétrole, c'est du pétrole bleu, c'est l'électricité. Autant de l'utiliser. Puis on a démontré que ça fonctionne très bien. Écoute, on a eu un des pires hivers depuis une centaine d'années. Là. Ça a été froid constamment. Puis tous les propriétaires de véhicules électriques ont quand même bien apprécié leur retour parce que tu n'avais pas à te poser la question « Est-ce que ça va partir ce matin? » Ça part pas, ça fonctionne. Tu pèses sur la switch « on » puis tu pars, c'est tout. Oui, l'autonomie est affectée. Puis ça, il faut être conscient de ça. Fait que, au pire du pire, il y a des gens qui avaient des voitures entièrement électriques, puis à moins 40 degrés Celsius, sans le facteur vent, à moins 40 degrés Celsius, l'auto, elle partait, puis elle faisait son affaire, mais il y avait un 70 km sur l'autoroute. OK. Fait que dans ce temps-là, si tu peux te recharger au travail, c'est super. Tu te branches une prise 120 volts, tu te branches sur une borne publique qui est près de ton travail, puis éventuellement, ben on va en arriver au point où les batteries vont être de meilleure qualité, etc. Puis il y a certains véhicules aussi qui ont un chauffe-batterie, donc ceux n'ont pas le problème. OK. Quel véhicule qui a un chauffe-batterie qui pourrait ben, être la mieux? La Nissan Leaf tente de garder sa batterie à moins 15 degrés. Un petit peu plus de difficulté. La Spark électrique a beaucoup plus d'efficacité à ce niveau-là. La Chevrolet Volt aussi a beaucoup plus d'efficacité. Puis si jamais ta batterie fonctionne plus aussi bien pour la Volt, ben tu as ta génératrice qui est embarquée, qui fonctionne à l'essence, puis qui te permet de recharger ta batterie en même temps. Tu as la BMW i3. La Tesla fonctionne très bien à ce niveau-là. Mais encore là, moins 40 degrés Celsius, là, puis encore là, je le mentionne, c'est sans le facteur vent. c'est des températures difficiles, mais ça a au moins prouvé que les véhicules vont quand même fonctionner à ces températures-là. Ouais, non, c'est ça. Tu perds de l'autonomie. Il faut que tu aies un plan dans ce temps-là, mais on s'entend que c'est quelques jours dans l'année, là. Il fait pas moins 40 à tous les jours l'hiver non plus, là, mais des La fois peur des Sibérie. hivers. Ouais, c'est ça. Des froids sibériens, c'est normal qu'on perde un peu d'autonomie. L'auto va consommer plus d'essence quand il fait très, très froid aussi, de toute Ouais, puis façon. c'est là, c'est que ton chauffage va utiliser de l'électricité. Ça fait que c'est pour ça que tu te retrouves avec ce kilométrage-là d'autonomie. C'est que tu chauffes ton auto aussi. Puis tu peux pas juste fermer le chauffage, puis le repartir 5 minutes plus tard, puis l'arrêter. T'es mieux de l'avoir juste constant. Ça, c'est un des bons trucs. C'est que tu veux garder le chauffage le plus possible. Parce que de toute façon, à moins 40, là, l'intérieur se refroidit très rapidement. La vitre garde le froid, tu sais, t'as des passagères, etc. Donc, c'est important de pouvoir garder le véhicule le plus chaud possible, puis avoir quand même un véhicule dans lequel c'est agréable à être. T'as les bancs qui sont chauffants, t'as le volant qui est chauffant, mais il faut aussi chauffer la cabine. Moi, ouais, c'est ça, mais tu sais, pas obligé de le mettre à 24, 25, là, tu peux le mettre juste à, tu sais, comme 18 ou, tu sais, juste pour que ça soit tempéré et confortable, là. De toute façon, le but, c'est pas d'enlever ton manteau pis ta tuque peut-être, mais pas nécessairement d'enlever ton manteau, là. Puis tu sais, le monde font 60 km par jour, là, en moyenne au Canada. Ouais. Fait que c'est pas, tu passes pas 2 heures, 3 heures dans ton auto non plus. Normalement, non, mais c'est agréable. Ceux qui n'ont jamais conduit une voiture électrique, payez-vous ça à un moment donné. Allez faire un tour, je parlais avant l'émission de éco-location. Allez faire un tour, puis louez-vous une voiture pour une fin de semaine ou quelque chose comme ça. Allez faire un tour, essayez ça, ou allez chez un concessionnaire, puis demandez d'en essayer une. C'est sûr, il faut qu'il y en ait une en stock, là. Si c'est Nissan, ben vérifiez sur le site de Nissan. Les concessionnaires qui sont autorisés à vendre des Nissan Leaf vont être indiqués, là. Ben, c'est pas tout le monde qui peut en vendre, mais tu sais, allez essayer une voiture électrique. Vous voyez comment ça se comporte. C'est vraiment amusant à conduire. Ça a du pep. C'est le fun. C'est la Spark électrique, c'est une des voitures les plus fun que j'ai conduit, là, tellement que c'est malade, là. 400 livres pied de couple, c'est comme, c'est une petite voiture hyper le fun, là. C'est le fun, une voiture électrique. C'est pas, tu sais, le monde dit, ah, tiens, un V8 puis ça, c'est le fun. Ouais, mais une voiture électrique, ça a du pep aussi. C'est sûr que Pas c'est pas, pareil. non, non, Pas c'est la pas. même chose du tout. Non, c'est ça, mais ça reste amusant. C'est pas parce qu'il y a le mot électrique dedans que c'est plate puis que c'est comme conduire une Camry, Bon, tu sais. ça a été la volonté de le vendre comme une nouveauté écologique. Puis on le voit comme quand on dit de la bouffe bio, on se dit que c'est plate, puis ça goûte rien. Ouais. C'est juste le même, c'est l'image, là, parce que c'est pas vrai que c'est plate. Non, mais allez Non, vous asseoir comme pas. dans une P85D pour le fun. Et c'est justement comme tu dis, les gens peuvent aller louer avec Eco Rentals qui sont situés à Montréal. Sinon, même l'AVEC a un programme de jumelage pour des essais routiers gratuits. Fait qu'on a quasiment une centaine de bénévoles à travers le Québec avec toutes les marques de voitures disponibles. Puis vous faites juste chercher sur notre site internet, choisir le véhicule qui vous intéresse, que ce soit une Kia Soul, une Spark électrique, une Smart, une Tesla. Puis vous allez que vous jumeler avec un propriétaire qui est dans votre ville, qui a ce véhicule-là. Puis il va passer du temps avec vous, puis il va vous l'expliquer, puis il va vous faire l'essayer. Puis c'est vraiment pour justement répondre aux questions de ceux qui sont intéressés puis qui se disent, j'aimerais le faire. Mais justement, il n'y a pas tellement de disponibilité dans les concessionnaires. Fait que je veux pas juste acheter les yeux fermés, je veux avoir l'heure juste là-dessus. Fait que c'est le fun de pouvoir parler avec un vrai propriétaire qui va vous donner son expérience, partager son expérience puis sa passion pour son auto. Ouais, c'est ça. Puis juste aller visiter justement, tu sais, ton site l'AVEC, ou aller, tu sais, faire des recherches sur Internet, aller lire des forums. C'est sûr, si vous êtes capable de lire en anglais et en français, vous allez avoir beaucoup plus d'informations à votre disposition, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui conduisent des voitures électriques, ou des gens ailleurs dans le monde qui conduisent des voitures électriques. Parlant, t'as mentionné la Kia Soul tantôt. Moi, c'en est une, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais ça s'en vient, ça s'en vient. On m'a garanti que quand la neige serait fondue, je pourrais probablement mettre la main dessus. Finalement, t'as-tu eu des commentaires de certains propriétaires à date? Comment ça, tu sais, je sais que la Leaf est très, très, très appréciée. Les autres voitures sont majoritairement appréciées. La Soul, t'as-tu entendu un peu des commentaires sur les propriétaires Oui, à date? les gens qui ont la Soul, qui sont propriétaires de la Soul électrique, sont hyper satisfait. C'est un bon véhicule. Je l'ai utilisé moi-même cet hiver. Puis le chauffage est de bonne qualité. Le freinage régénératif est hyper agressif, ce qui est une bonne chose. Donc, on peut conduire avec une pédale comme avec une Tesla. Ça, c'est un des plaisirs de conduire un véhicule électrique. Quand tu pèses sur l'accélérateur, ça part très vite, puis ça change pas de vitesse. Donc, tu as tout le torque d'un coup. Autant que quand tu lâches l'accélérateur très vite, ben ça va freiner. Donc, c'est comme une voiture à vitesse manuelle. Donc, tu sais, c'est le plaisir de changer de vitesse puis d'accélérer rapidement, autant que de rétrograder puis de freiner avec le frein moteur. Une des choses qui est agréable aussi avec une voiture manuelle, une voiture électrique, on retrouve les mêmes sensations puis le même plaisir de conduire à cause de ça, à cause justement du frein moteur qui rajoute un petit quelque chose. Puis quand tu as un frein moteur régénératif comme ça, comme la Kia Soul, qui est très agressif, c'est vraiment, vraiment agréable. Les gens sont heureux. C'est un véhicule qui est moderne, qui est bien pensé, qui ont regardé un petit peu comparativement aux autres véhicules, ce qui a mal été fait dans les autres pour améliorer le véhicule. Donc, c'est vraiment une nouvelle génération de véhicules comparativement à la Leaf. Quand tu l'essayes puis tu le compares avec la Soul, tu vois vraiment que la Leaf, c'est vraiment la première génération. Ça date de 2011. Les écrans sont plus de même qualité. Les couleurs sont plus aussi vivantes sur les écrans. C'est toutes des petites touches comme ça qui font que il y a quand même une petite coche au-dessus, là, au niveau de la sonde. Bon, c'est sûr, c'est plus récent. La Leaf, faut se le dire, est en fin de vie, là. Je veux dire, elle approche la fin de sa carrière utile pour la Leaf 1.0, là. Leaf 2.0, t'as-tu des nouvelles sur quand est-ce que Nissan avait l'intention de nous présenter ça? Je sais qu'à un moment donné, tu nous dis, je peux pas en parler, mais y a-tu quelque chose d'officiel ou de plus tangible qui a été relâché Non, puis je pense officiellement? que ce qu'ils vont faire aussi, ils vont éviter de faire la même gaffe que GM a fait. Donc, d'annoncer une voiture comme la Volt 8 mois à l'avance, puis après ça, de voir les ventes chuter parce que les gens se disent, ah, ben, je vais attendre pour la nouvelle. Ouais, c'est ça. Fait que là, les ventes de Volt, ça a pas mal ralenti. C'est vrai aussi que c'est l'hiver, c'est un peu comme une voiture décapotable. Les gens attendent un petit peu plus quand il fait plus chaud pour acheter ce genre de véhicule-là. C'est bizarre, là. Mais c'est ce qu'on remarque au niveau des tendances. Fait que, oui, il y a des gens qui vont se dire, bon, mais je préfère l'ancien modèle, le look, etc., ou je préfère le nouveau. Ils n'ont pas encore annoncé le prix. Puis je pense qu'il faut qu'ils attendent un petit peu plus longtemps avant de l'annoncer parce qu'il se pose d'être vraiment moins cher que la Volt qui est présentement sur le marché. La nouvelle Volt? La nouvelle Volt, parce Ah, qu'au niveau de la production, elle leur coûte 15 000 $ de moins. c'est considérable. C'est considérable. Puis aussi, il faut comprendre que quand ils parlent de la production, ils incluent aussi les coûts de développement. Puis la première Volt leur a coûté très cher à développer. Je pense que c'était un 2 milliards, quelque chose comme ça. Fait qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Ça leur a pris du temps à récupérer ça, là, avec des améliorations qu'ils ont pu avoir sur la batterie, sur la diminution du poids, etc. Fait que ça leur coûte moins cher à faire. Puis c'est une des raisons pour laquelle aussi on avait parlé qu'ils ont modifié le véhicule au complet, simplement pour réduire son coût de production, pour le vendre à un meilleur prix par la suite. Fait que peut-être ça a coûté comme 8 000 $ de moins cher, là. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà considérable. Ça le rend encore plus intéressant envers un acheteur qui veut se mettre les pieds dans un véhicule électrique, qui veut pas avoir l'angoisse de l'autonomie non plus. Puis, tu sais, c'est C'est ça aussi qu'on recherche, puis que les gouvernements à travers la planète recherchent, c'est que on va atteindre un certain point où il y a assez de ventes que les incitatifs financiers ne seront plus nécessaires pour que le véhicule soit quand même attrayant pour un consommateur en se disant, bon, ben, oui, j'achète le véhicule électrique, mais après un an ou 2 ans, ben, j'ai récupéré mon argent. Puis même, ça va me coûter moins cher à long terme, après 4 ans, 5 ans, parce que là, j'ai plus d'essence à acheter. Ouais, c'est ça. Ouais, une Volt pour quelqu'un qui fait 30, 40, 50 km par jour, c'est parfait, là. Oui, C'est c'est à l'intérieur des limites de l'autonomie en purement électrique. ça. GM annonce 80 km pour Exact. la nouvelle Volt. Fait que l'hiver, bon, ça va être un peu différent, là, mais bon, c'est quand même un peu mieux que l'autre. Même si avec la Volt de première génération, souvent quand je conduisais, moi, ça me marquait 75 km d'autonomie. 80, c'est 5 de plus. Bon, c'est quand même un peu mieux, là, mais j'ai hâte de la voir. Il y a aussi la Bolt qui ont comme confirmé qu'elle serait produite fin 2016 comme modèle 2017. Je ne sais pas si tu as entendu toi aussi les mêmes rumeurs que Ford nous sortirait quelque chose un lapin de leur chapeau au salon de Los Angeles. Une voiture avec 300 km d'autonomie. C'est certain qu'ils ont voulu jouer la petite game de Me Too, que moi aussi je suis capable d'en faire un. Donc oui, j'ai entendu les rumeurs que Ford allait annoncer eux aussi leur véhicule à 300 km. Puis j'ai quand même parlé à la chef ingénieure de la division électrique qui travaille à Détroit. Puis c'est une dame qui est hyper compétente, qui comprend le marché du véhicule électrique, puis qui a l'intention, avec toute son équipe, de se rattraper un peu sur ce qu'ils ont à faire depuis le début, donc la Ford Focus électrique, qui est un bon véhicule, mais qui a plusieurs lacunes aussi, et qui leur a coûté aussi très cher à produire. Donc là, ils vont être capables de se rattraper, avoir un véhicule qui va être plus abordable, qui va être compétitif au niveau du prix, qui va avoir toutes les choses auxquelles on peut s'attendre d'un véhicule électrique, autant l'accès à distance avec une application mobile, que ce soit le port de recharge haute vitesse, la recharge très rapide à la maison, l'autonomie qui va être là. Donc, toutes des petites choses comme ça. Puis, ils ont même parlé d'essayer de trouver une solution pour les gens qui sont en cohabitation, en condo, où ils peuvent avoir plus de difficultés à se recharger régulièrement comme ça. Mais justement, je pense que si tu as un véhicule qui a une meilleure autonomie, 300 km d'autonomie, même si tu ne recharges pas à chaque jour, à chaque deux jours, ça ne dérange pas tant que ça. Tu vas aller à une bonne haute vitesse, tu vas prendre ton 10-15 minutes, tu vas te recharger, puis ça va être fini. Ouais, c'est ça. Ça va devenir de plus en plus facile à utiliser aussi. Mm-hmm. Fait que... Donc, j'ai hâte de voir si c'est un domaine où c'est très, très intéressant parce que la prochaine génération de véhicules s'en vient, là. Nissan, Chevrolet, Ford vont tous avoir des nouveaux véhicules. Fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, mais ça met aussi beaucoup de gens peut-être en attente en disant « Ah, mais tu sais, moi, je vais attendre un an de plus. Je vais attendre un an de plus. » Mais c'est ça, le marché change beaucoup aussi. Puis il faut quand même se souvenir qu'il y a un gros pourcentage de la population qui ne savent même pas qu'il y a des voitures électriques au Québec. Donc, il faut continuer à les sensibiliser, à leur dire « Il y en a. C'est peut-être très bon pour vos besoins. » Vous pourriez peut-être en acheter une, finalement. Puis une fois qu'on réussit à les sensibiliser puis à les convaincre que ce serait peut-être une bonne chose d'aller en essayer une pour voir si ça répond à leurs besoins, mais après ça, c'est là où la loi zéro émission va rentrer en ligne de compte. Elle va être capable de dire, bon, mais voici, vous avez un choix impressionnant de véhicules sur le marché, des voitures qui sont belles, puis vous avez une disponibilité. Donc, vous allez chez un concessionnaire, vous ne serez pas obligé de la précommander les yeux fermés. Vous allez en avoir, vous allez pouvoir en essayer. Pas besoin d'avoir un programme de jumelage pour des essais routiers de l'AVEC. Il va en avoir chez les concessionnaires. Là, il n'y en a pas. C'est difficile à aller d'essayer. Ouais. Fait que ça va aider énormément. Puis après ça, ils vont comparer. Ils vont dire, ah, ben là, il me semble que c'est plus cher à l'achat. Encore là, la sensibilisation, c'est là pour leur dire, ben, c'est à l'utilisation. Achète ton auto à essence, puis mets de l'essence dedans, ça te coûte combien par mois? Versus une voiture électrique, puis 10-15$ d'électricité par mois. Fait que, il faut des incitatifs financiers aussi pour dire s'il y a un surcoût, ben on a 8 000 $ du gouvernement ou peut-être dans quelques années, ça va être 4 000, 2 000, ça va diminuer. Il va y avoir des incitatifs sociaux, style prendre des voies réservées, avoir un stationnement gratuit quand on utilise une borne sur rue. C'est des petites choses comme ça. Puis aussi, dire qu'il y a des infrastructures qui sont disponibles. Donc, si tu as été convaincu, tu as acheté une auto, tu es content, tu la recharges à la maison, elle te coûte pas cher, mais il faut que tu puisses la recharger au travail, tu puisses la recharger sur l'autoroute, donc il faut qu'il y ait des infrastructures un petit peu partout. Fait que c'est vraiment ces 4 points-là, la sensibilisation, la disponibilité, les infrastructures, puis les incitatifs. Ça, si on a ces 4 points-là, l'électromobilité puis les voitures, là, on va en voir partout. Fait qu'on veut vraiment pousser pour ça. Puis une des autres choses aussi qui est intéressante, c'est que de plus en plus de compagnies au Québec commencent à se dire, bon, mais il faut renouveler notre flotte. Peut-être que ceux où on n'a pas besoin d'avoir trop d'autonomie, style pour la municipalité, etc., ben on va en acheter des véhicules électriques, c'est avec nos employés qui vont les utiliser. Mais l'employé qui se met deux fesses dans une auto électrique à chaque jour pour son travail, ben il va peut-être se dire, quand il est arrivé chez eux et il est obligé de payer 80$ d'essence à chaque semaine, de se dire, ben pourquoi j'en ai pas une auto électrique chez nous? Fait que c'est là où les mentalités vont changer. Puis ça va aussi avoir un gros impact si les compagnies et les entreprises commencent à se mettre de la partie. Tout comme Saint-Hubert qui a annoncé qu'ils veulent que toute leur flotte de véhicules de livraison soit électrifiée. Ouais. Fait que ça va être absolument extraordinaire. Ben, je pense que les petits livreurs vont se faire poser plus de questions sur leur auto que sur la facture elle-même. Oui, peut-être. Ouais. Mais non, mais c'est quand même intéressant. Ils vont probablement prendre des mièvres. Ça a l'air d'une poule en partant. Fait que juste la peinturer orange puis mettre une crête dessus, ça va être parfait. Mais non, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Ils vont rarement loin. Puis en plus, la plupart des Saint-Hubert ont des bornes déjà installées là. Fait que, je veux dire, ils vont pouvoir soit en rajouter pour leur flotte à eux autres ou utiliser les bornes qui sont déjà là ils pour vont recharger être l'auto. Oui, ils vont être obligés d'avoir leur propre borne, même leur propre borne rapide. Ouais, c'est vrai. Ça va être très important s'ils font des gros restaurants, ils ont beaucoup de livraisons, là, donc ça roule pas mal. C'est un coût considérable, mais d'un autre côté, si tu calcules le prix d'une franchise et tout ça, le prix du restaurant, tout ça, c'est pas nécessairement un coût qui est si élevé que ça pour eux autres. Là. S'ils achètent des mièvres, ça coûtera pas cher. Je suis obligé de leur faire un prix pour vider la cour. Peut-être. Peut-être. Pour attendre la nouvelle, Imiev. Ouais, il y a des rumeurs. Je sais pas si ça s'en vient aussi. Ça qu'ils ont changé l'équipe de design. Ben, selon ce que j'ai vu, il n'y a pas eu une image qui est sortie à un moment donné qui avait été présentée dans un salon à quelque part, puis elle est moins affreuse, je te dirais. Mais... Ça fait 2-3 ans que c'était sorti cette image-là. Ouais. Depuis ce temps-là, Mitsubishi ont quasiment fait faillite, ils ont eu des problèmes. Là, ils se sont rapprochés de Renault, si je me souviens bien, pour vraiment se concentrer sur les véhicules électriques puis faire un échange de technologie. Qui est déjà pas mal Nissan. Puis ils ont déjà mentionné, ouais, un peu comme Nissan, puis ils ont déjà mentionné, c'est le PDG de Mitsubishi qui a mentionné ça il y a peut-être 3-4 semaines, que l'avenir de Mitsubishi va passer par l'électrification de sa flotte. Ouais. Donc, ils misent énormément là-dessus. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus rien. Ouais. Ils ont pas tué, mais j'ai utilisé le terme tuer, là, mais ils ont quand même tué la marque. Là. Moi, Mitsubishi, pour moi, c'était la Evo, puis c'était l'Eclipse. Mm. Puis l'Evo, c'est sa dernière année, puis ça, pour avoir communiqué un peu avec quelqu'un qui l'a conduit, la dernière Evo, c'est assez horrible. Puis parce qu'elle a zéro évolué, là. Puis c'était l'Eclipse. L'Eclipse, c'était comme un char de rêve à un moment donné, là. Puis ils ont scrappé ça aussi. Fait qu'il leur reste quoi? Fait qu'il faut qu'ils s'en aillent ailleurs. Faut qu'ils fassent leur marque dans d'autres choses. Puis l'Outlander branchable, c'est une très bonne idée. Et on l'a vu au salon de l'Auto de Montréal. Mm-hmm. Ça semble avoir pas mal d'allure. 55 km d'autonomie en tout électrique. Pour un VUS, moi j'embarque. Ça a bien de l'allure pour moi. Pour remplacer mon Escape avec ma femme qui fait comme 25 km par jour, elle va pouvoir toujours rouler en tout électrique. Ça serait super. Puis quand on va aller faire les commissions, tu as de la place. Puis en plus, tu consommes pas d'essence. Mais c'est juste c'est encore un an avant qu'ils mettent ça sur le marché. Fait que, ils sont en retard derrière tout ça parce qu'ils sont plus dans le game. Ce qui arrive, c'est que là, tu as plusieurs manufacturiers qui parlent maintenant, de mettre sur le marché des véhicules branchables, puis les mettre sur le marché dans les prochains mois. Là, on parle de 2015. Tu as déjà la Volvo XC90. Tu as déjà Hyundai avec son Tucson. Oui, mais le Tucson ne sera pas vendu au Canada. Pas sûr. Ben non, j'ai demandé à Hyundai, puis ils ont dit que présentement, il n'y avait aucun plan pour l'amener au Canada. OK. En tout cas, avec la loi zéro émission, on va être obligé de l'amener. Hein? Oui, c'est ça. Mais pour l'instant. Appuyez la loi zéro émission au czeq.org. Donc, ça. Pour aller signer et donner votre appui, c'est super important. Après ça, il y a Volkswagen avec un Tiguan branchable, Audi avec le Q7 branchable. Tu as Porsche qui va arriver avec. C'est-tu le Cajun? Il y en a un qui va être 100% électrique. Le Macan, peut-être, le petit. Ouais, Macan, ouais. Ouais, ou le Cajun, ouais. Le Cajun, c'est supposé être un plus petit que le Macan encore. Ouais. Ça se pourrait que ce soit ça. Il y en a plusieurs comme ça, différents manufacturiers qui se disent, bon, ben, on a fait les voitures, on sait que les VUS, ça pogne, on va les faire branchables. Ouais. Fait que tu as une autonomie de 40-50 km en tout électrique, puis après ça, ben, c'est le moteur qui part, puis tu peux la brancher à la maison. Puis, donc, c'est le in-between. Puis encore là, s'ils mettent trop de leur emphase là-dessus, ben, les manufacturiers qui ont déjà commencé il y a 5 ans, 4 ans, ben, ils vont arriver déjà avec la nouvelle génération de batteries avec le 300-400 km d'autonomie pour un prix beaucoup plus bas que ce qui se vend présentement. Puis là, on va être capable d'en faire des véhicules 100% électriques, mais plus gros aussi, avec une bonne autonomie. Ouais, parce ça, parce qu'il y a beaucoup Hyundai, en tout cas en Corée, ont annoncé qu'ils faisaient ils s'en allaient vers l'électrique. Eux autres qui étaient hydrogène dans le Ouais, eux tapis. aussi, ils étaient dans l'équipe hydrogène. Ouais, puis là, ils ont l'air à vouloir jouer sur les deux plans parce qu'ils ont annoncé une Sonata hybride, une Sonata hybride branchable, puis même que dans le futur, ils ont signé un contrat avec LG Chem qui fait les batteries pour, je pense, la Bolt aussi de Chevrolet, puis même Exact. la nouvelle Volt. Qui ont signé un contrat avec eux autres pour supposément créer une Sonata 100% électrique aussi dans un avenir rapproché. Donc Hyundai vont embarquer dans la partie, puis on le sait, quand les Coréens se mettent le nez dans quelque chose, normalement, ça donne d'assez bons résultats, puis ça donne des coups de pied aux autres, là. Fait que j'ai hâte un peu de voir ce qui va tomber de ce côté, ce qui va arriver de ce côté-là. Mais oui, Mitsubishi, j'ai peur un peu pour eux autres. Même s'ils ont des bonnes idées, est-ce que ça va être trop peu, trop tard? Ou s'ils vont réussir quand même à tirer leur épingle du jeu, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais non, on va voir ce que ça va donner. Si on revient à la loi zéro émission, c'est quoi votre, on pourrait dire en bon français, votre timeline? Quand est-ce que vous pensez que ça pourrait être appliqué? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il faut avoir un vote? Regarde, Y a-t-il un échéancier? la façon que j'ai compris, c'est que il faut qu'ils présentent une loi, après ça, il faut qu'ils en discutent, il faut qu'ils créent tout ça, ça prend du temps. Mais il Des faudrait que ce tables soit rondes, des l'idée. concertations. Oh, c'est C'est très long. très long, oui. Fait que vraiment, il faut qu'ils soient capables de présenter avant la fin de la session parlementaire en juin. Il faudrait déjà que ça soit présenté, qu'il y ait du monde qui commence à travailler là-dessus pendant l'été. Fait que là, en septembre, ben là, ils vont débattre dessus, etc. Puis là, ils vont pouvoir la passer pour que ça soit en fonction, disons, le 1er janvier 2016. Est-ce que Fait que ça. le timing est bon. Il y a dernièrement plusieurs candidats à l'investiture du Parti québécois qui se sont montrés favorables, puis ont vraiment mentionné on est favorable à une loi zéro émission au Québec. Fait que ça, c'était très positif, autant que le ministre Heurtel, lui aussi, a dit qu'il était favorable à l'idée d'une loi zéro émission au Québec. Donc, autant des libéraux que le Parti québécois, la CAQ, on ne sait pas vraiment de quel pied dansent, ces autres-là. Je pense qu'ils ne savent pas eux autres Font même. juste danser les poings. Ouais, c'est ça. Mais au moins, c'est positif. Il y a personne qui ont dit qu'ils étaient contre cette loi-là. Fait que ça veut juste dire qu'il y a des bonnes possibilités, mais il faut que les avocats rentrent là-dedans, essayent de voir, poser le pour, là, qu'on essaie de comprendre quelle va être l'implication du gouvernement dans tout ça. Parce que c'est vrai que passer une loi, ça coûte rien, mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se faire poursuivre? En Californie, ils se sont fait poursuivre assez souvent, ce programme-là. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des ralentis, puis ça a été un peu plus compliqué. Fait que est-ce qu'on va peser un peu sur le frein à cause de ça, ou est-ce qu'on va dire non, on va aller de l'avant, on va la modifier, on va apprendre des erreurs de la loi en Californie, comme les autres ont pu en apprendre dans les autres États, les 11 autres États américains, pour aller de l'avant avec ça. Ouais. OK, bon, on va suivre ça avec intérêt. Si les gens veulent aller bon s'informer puis avoir plus d'informations ou aller signer, c'est quoi, c'est zeq.org que t'as dit? C'est ça, le CZEQ.org. C'est beau. Puis si les gens veulent aller lire sur les voitures électriques, ils peuvent aller sur ton site qui est le. Le AVEQ.ca, l'Association des véhicules électriques du Québec. On est sur YouTube, on est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram peut-être, en tout cas sur pas mal toutes les choses qui existent et qui sont sociales. Ouais, Google Plus, même si bon, Oui. c'est parfois on voit passer Un des peu boules. d'écho. Ouais, c'est ça, il y a un Ouais. peu d'écho, la chambre est vide. Puis, il faut pas t'oublier, t'as un concours à plugger. Non? J'en ai plusieurs. OK. Ah, c'est vrai, j'en ai un qu'il faut que. Le concours le plus intéressant, c'est le concours pour la Apple Watch. Donc, les gens qui aiment bien les gadgets et les bidules, on a quatre montres à faire tirer. C'est aussi simple que d'aimer notre page Facebook de l'AVEC et aussi de s'inscrire en tant que membre gratuit, parce que plus qu'on a de membres, plus ça nous donne un poids lorsqu'on parle à des compagnies et on parle à des politiciens pour dire ben, on a 3 000, 5 000, 10 000 membres derrière nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? C'est bon. Puis fait qu'ils vont faire, ils vont faire un petit like sur votre page, un petit j'aime, puis s'inscrire. Ouais, c'est ça. On va sur le site de l'AVEC. Vous allez voir, c'est une des premières choses que vous allez voir, c'est le concours. Ça vous explique exactement quoi faire. Un like sur Facebook, puis s'inscrire gratuitement en disant que vous avez acheté une auto électrique, que vous allez en acheter une bientôt. On aime bien ça. C'est bon. Puis par la suite, as-tu d'autres choses à nous vaser ou on peut finir ça là-dessus? Vraiment, juste vous rappeler que c'est cette fin de semaine qu'il y a la 6e manche du Grand Prix de Formule E, qui est entièrement électrique. Oui, ça se passe à Long Beach, à Los Angeles. Ça va être télédiffusé à RDS à 19h30 ce samedi. Excellente course en perspective. Moi, j'étais à Miami avec mon pote Denis Coderre. Ça a été fantastique, excellente course. Il y a beaucoup de compétitions. C'était Nico Prost qui avait gagné la dernière fois avec son père qui est aussi monté sur le podium parce que c'est le constructeur automobile de son fils. Donc ça a été tout un moment assez impressionnant. Puis il y avait Scott Speed qui en était à sa première course électrique. Puis il a monté sur le podium en deuxième position. Donc ça démontre que même des gens qui n'ont jamais eu d'expérience mais qui sont d'excellents conducteurs sont capables de conduire électrique parce que c'est le même feeling, sauf en mieux. Ça va être intéressant, encore là, Long Beach. Sinon, il va y avoir Monaco le 9 mai, après ça on s'en va en Allemagne, puis Grand Prix d'Angleterre le 27 juin. C'est la dernière saison où les voitures sont toutes pareilles, c'est ça, l'année prochaine? Exactement, on va être droit de... il va y avoir 8 manufacturiers l'an prochain, dont Virgin, qui ont annoncé qu'avec la technologie qu'ils vont développer pour les batteries, pour les moteurs, etc., qu'ils vont peut-être se lancer eux autres aussi là, dans les véhicules pour particuliers. Donc, ils vont faire une petite compétition à Tesla et à Apple. Ouais, Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Puis c'est ça, c'est l'avenir. Hein? On le voit, les compagnies sortent de n'importe quel coin, de n'importe quelle industrie pour dire, ben nous autres aussi, on est capables d'en faire parce que ce sont des ordinateurs sur roues. Là. C'est plus les voitures qu'on connaissait avec un savoir-faire d'un moteur à essence qui va être performant. C'est un moteur électrique. Il faut qu'il puisse absorber le plus d'électrons possible pour tourner le plus vite possible. Ben, on va voir ce que ça va donner. C'est un domaine intéressant. Très intéressant. Parfait. Merci, Simon-Pierre. Donc, merci à tous d'avoir été là. Si les gens veulent vous rejoindre, ben, Simon-Pierre, on sait, AVEQ un peu partout. Martin, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils? Ah, Martin Sagala un peu partout. C'est assez simple. Ah, toi aussi, c'est le fun, ça. Vous regardez... On va se rencontrer un peu partout. Ouais, vous regardez vers le ciel et vous dites Martin Sagala et Martin va apparaître. Toi, Jean-François. Sur Twitter, JFLU. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre, c'est sur Twitter, @Calazormo. Il y a aussi le compte du Podcast Auto qui est à Podcast Auto. Vous pouvez nous écrire à lepodcastauto@gmail.com. Visitez notre site qui est vraiment juste pour les émissions, qui est podcastauto.ca. Mais vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji où j'écris chaque semaine sur l'automobile à frkijijiblog.ca dans la section automobile. Donc là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Cette semaine, si ça vous intéresse, ça va être la journée média. C'est le lancement du Salon de l'Auto de New York où il va y avoir pas mal de nouveautés annoncées. On va vous en parler dans quelques semaines. On va faire une émission, probablement une partie de l'émission là-dessus dans 2 semaines pour s'en reparler. Parce que la semaine prochaine, l'émission va avoir été préenregistrée parce que je ne suis pas disponible. Donc, on va en parler dans la semaine d'après quand on va revenir. Il y a de belles choses qui s'en viennent pour le Salon de New York. Donc là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là pour une autre semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut. Bye. Bye. Bye.